الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. درموج تاديو سينيور دي زونيفير، نعمه إلينا نازلة. سي بيان في ديسوند فيغ نو، وذنوبنا إليه صاعدة. Et nos péchés montent vers lui en contrepartie. فضله علينا كثير. Son bienfait pour nous est énorme. وفسادنا أمامه كبير. Mais notre corruption, notre mauvaise action devant lui, nos mauvaises actions devant lui sont très très grandes. ومع ذلك يتقرب إلينا، et malgré tout cela, il s'approche de nous. ومع ذلك نهرب منه، et malgré tout cela, on s'éloigne de lui. Lui, il essaie de s'approcher de nous, et nous, on s'éloigne de lui. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، le prophète prière et sur lui a vu pendant la nuit de l'ascension ملائكة قائمين لله إلى يوم القيامة، des anges qui adorent Dieu dans une position debout jusqu'au jour de la résurrection, ils ne se reposent pas. وآخرين راكعين إلى يوم القيامة، et d'autres prosterné jusqu'au jour de la résurrection. وَآخَرِينَ سَاجِدِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، et d'autres inclinés jusqu'au jour de la résurrection. وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَقُولُونَ لِلَّهِ، le jour de la résurrection, tous ces anges, ceux qui étaient debout, inclinés ou prosternés pendant toute leur vie, vont dire à Dieu وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ، par ta majesté, ô notre Seigneur, nous n'avons pas t'adorer comme ce qu'il fallait. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ الْأَمِينَ، et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ، il dit prière et saillit sur lui، لقد رأيت في المنام قصرا من قصور الجنة من لؤلؤة، j'ai vu dans un songe nocturne un palais parmi les palais du paradis qui est fait en perles. ورأيت رجلا من أصحابي كلما مر بقصر منها من قصور الجنة، et j'ai vu aussi un de mes amis qui à chaque fois qu'il passait devant un palais parmi les palais du paradis, قالت له الحور العين، les houris, les belles femmes du paradis lui disent هلم إلينا، viens vers nous. فقال أبو بكر أسأل الله أن يأكون أنا يا رسول الله، أبو بكر dit au messager de Dieu، je demande à Dieu que ça soit moi. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت هو، et le prophète prière et sur lui dit c'est toi-même. أما القصر اللؤلؤة فهو قصر عمر، mais en ce qui concerne le palais en perles, c'était le palais de عمر. وقال إن لكل نبي رفيقا في الجنة وأنت رفيقي في الجنة يا عثمان، et il a dit pour chaque prophète il y a un compagnon ou un ami intime dans le paradis et ô عثمان c'est toi mon compagnon. سيدي أمير الأنبياء، maître émir des prophètes، صلى الله عليك عدد نجوم السماء، que les prières de Dieu soient pour toi au nom des étoiles du ciel، ورمال الصحراء au nom des sables du désert، وأولاد آدم وحواء et au nom de la descendance d'Adam et Ève. أما بعد أيها الإخوة والأخوات في الإسلام، après ceci mes frères mes sœurs en islam، أحباب الحبيب محمد المصطفى، très cher ou bien-aimé محمد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، pour lequel on souhaite les meilleures prières et les hautes salutations. إننا اليوم في الرابع عشر من شهر رمضان المبارك لهذه السنة 1430. On est aujourd'hui dans le 14e jour du mois sacré de Ramadan pour cette année 1430 de l'Hégire. وأحب اليوم أن نعيش مع الآيات الرمضانية. Et j'aime vous faire vivre aujourd'hui avec les versets ramadaniques min surat al-Baqarah qui se trouve dans le chapitre la vache التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ces versets qui ont été révélés au prophète prière et sur lui et ses amis ou ashabihi في السنة الثانية من الهجرة la révélation de ce verset a eu lieu dans la deuxième année de l'Hégire بالمدينة ça veut dire à Médine بالمدينة المنورة يقول الله عز وجل في هذه الآيات في بداية هذه الآيات Dieu le Très-Haut dit au début de ces versets يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Ô vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, peut-être serez-vous pieux. فالله يتوجه بالخطاب إلى الذين آمنوا. Dieu adresse sa parole à ceux qui ont cru. فهنيئا لك أيها المؤمن. Félicitations pour toi, ô croyant ou bien croyante. لأن الله يكلمك في هذه الآية. Parce que Dieu le Très-Haut parle avec toi dans ce verset. يا أيها الذين آمنوا وأنت منهم. Ô vous qui avez cru et tu en fais partie de ceux, c'est-à-dire de ceux qui ont cru. هنيئا لك. Félicitations à toi. لأنك من المؤمنين. Parce que tu fais partie des croyants. والمؤمنون في كل زمان قليل. Et les croyants à toute époque ne sont pas nombreux. قال تعالى. Dieu dit dans un verset coranique, في سورة يوسف, dans le chapitre Joseph, وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. فَحَاوِلْ يَا أَخِي وَحَاوِلْ يَا أُخْتِي Donc essaie mon frère, essaie ma sœur أَنْ تَكُونَ عِنْدَ الْمُسْتَوَى الْمَطْلُوبِ مِنْ هَذَا النِّدَاءَ الْإِلَهِ Essaie mon frère, essaie ma sœur d'être à ce niveau demandé par cet appel ou par ce verset divin, par ce verset coranique. أَنْ تَرْتَفِعْ فِي هَذَا الشَّهْرِ إِلَى هَذَا الْمُسْتَوَى Que tu t'élèves pendant ce mois à ce haut niveau. أيها الإخوة, mes frères et mes sœurs, مَاذَا يُرِيدُ رَبُّنَا مِنَّا Que veut-il de nous, notre Seigneur الجواب هو يقول يا أيها الذين آمنوا نعم ماذا تريد يا رب Ô vous qui avez cru Oui, notre Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes الجواب, la réponse, الصيام. صيام, شهر رمضان. La réponse, le jeûne du mois de Ramadan. كتب عليكم الصيام. يا أيها الذين آمنوا, نعم, كتب عليكم الصيام. Ô vous qui avez cru, on va dire oui. La réponse vient, on vous a prescrit le jeûne. والصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب. On peut résumer le jeûne en cette phrase, c'est l'abstention de se nourrir, de boire et de faire des relations intimes. Ça veut dire avec sa femme ou avec son mari. Min al-fajri ila ghurubi shams. Et la période horaire, c'est de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Min al-fajr ila ghurubi shams biniya. Et ce jeûne doit être accompagné avec la niya, avec l'intention. Kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, mundu Adam alayhi salam, depuis Adam, prière et sajouli. Façon ma'ruf inda qudama al-musriyin, le jeûne a été connu chez les anciens égyptiens. Wal yunan, le jeûne a été connu chez les grecs. والرومان chez les romains ou les byzantins والهنود chez les hindous وقد صام موسى عليه السلام 40 يوما Moïse prière et sajoui a observé le jeûne pendant 40 jours وكذلك صام عيسى عليه السلام 40 يوما de la même manière Jésus prière et sajoui a observé le jeûne pendant 40 jours أما داود عليه السلام mais en ce qui concerne David prière et sur lui فكان يصوم يوما ويفطر يوما il jeûnait un jour sur deux un jour il observait le jeûne et l'autre jour non et ceci pendant toute sa vie وهو صيام الطهر il s'appelle le jeûne à vie هذا كان يصوم طول حياته وهذا كان يصوم 40 يوما. Celui-ci priait, il jeûnait à vie. Les deux autres observaient le jeûne pendant 40 jours. والله أعطانا فقط 30 أو 29 يوما. لا 40 ولا ظهرا. Et Dieu, le très haut, par clémence envers nous, il nous a inscrit ou prescrit seulement 29 ou bien 30 jours. Ni 40, ni à vie. كما كتب على الذين من قبلكم. Exactement comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, à tous les prophètes qui vous ont précédés et aux nations qui vous ont précédés. Et là je vais faire une remarque. إذا كنا نرى المسلمين في شهر رمضان كسالى وتعبانين فهذا خطأ. خطأ المسلمين وليس خطأ للإسلام. Dans le cas où on voit, dans la remarque je dis, dans le cas où on voit les musulmans pendant le mois sacré de Ramadan paresseux, fatigués, il s'agit là d'une erreur, leur propre erreur, et non pas une erreur de l'islam. لأن رمضان شهر العمل وشهر العبادة وشهر الانتصارات وشهر البطولات. Parce que normalement en islam, le mois béni de Ramadan, c'est un mois de travail et non pas de paresse. C'est un mois d'adoration, c'est un mois de victoire, c'est un mois d'héroïsme. وَلَمْ يُصْبِحْ شَهْرَ هَزَائِمٍ. Il n'est devenu un mois de défaite, وَكَسَلْ. Un mois de paresse, وَرَاحَ. Un mois de repos, إِلَّا فِي زَمَانِنَا. Qu'à notre époque. وَمَا أَدْرَاكَ مَا زَمَانُنَا. اسمعوا ماذا صنع المسلمون الأوائل في رمضان. Écoutez bien ce qu'ont fait les premiers musulmans dans le mois sacré de Ramadan. اسمعوا ماذا صنع الآباء والأجداد في رمضان. Écoutez ce qu'ont fait les pères et les ancêtres, nos ancêtres en islam au début de Ramadan. أولا, je donne quelques exemples. أعطي بعض الأمثلة المعروفة أذكر بها. أولا, premièrement, في أول رمضان اثنين هجرية, dans le premier Ramadan, deux de l'Hégire, l'an 2 de l'Hégire, avant il n'y avait pas le mois de Ramadan. Les gens jeûnaient quelques jours, mais il n'y avait pas le mois de Ramadan. Mais pour le premier Ramadan jeûné, c'était l'an 2 de l'Hégire, أول رمضان صامه المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالضبط في يوم الجمعة 17, exactement le vendredi 17 de ce mois, جرت أول غزوة بين المسلمين والكفار. Il y a eu lieu la première bataille entre les musulmans et les mécréants, mécois, وهي غزوة بدر, qui s'appelle la grande bataille de Badr. وانتصر المسلمون, et les musulmans l'ont emporté, sont sortis victorieux de cette bataille. المسلمون انتصروا وهم 314 نفرا, et ils étaient au nombre de 314. وأمامهم كفار قريش, et devant eux il y avait les mécréants coréchites qui étaient au nombre de 1000 et qui ne faisaient pas le ramadan. أمامهم كفار قريش 1000 لا يصومون مفطرون يشربون ويأكلون. ومات أبو جهل, et Abu Jahl a connu sa propre mort pendant cette bataille. فرعون هذه الأمة, c'était la fin du pharaon de cette nation. المثال الثاني, le deuxième exemple, في العاشر رمضان سنة 8 هجرية, dans le dixième jour du mois de Ramadan de l'an 8 de l'Hégire, في سنة 8 من الهجرة, فتح المسلمون مكة في رمضان. Les musulmans ont conquis la Mecque, cette ville qui a châtié les musulmans, cette ville qui a chassé, expulsé les musulmans. المسلمون عادوا إليها في شهر رمضان. فاتحين, les musulmans sont revenus pour conquérir cette ville pendant ce mois sacré. C'était pas un mois de paresse. لم يكن شهر كسل ولا شهر تعب, et non pas un mois de fatigue. وهذا ما رسول الله صلى الله عليه وسلم 360 صنما حول الكعبة. Et le prophète, prière et sa souris, a détruit, a cassé 360 idoles, 360 fausses divinités qui étaient autour de la Kaaba pendant ce mois. Après, je vous donne un troisième exemple. Dans le 28 Ramadan, vers la fin du mois de Ramadan, en l'an 82 ans à peu près après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La bénédiction du Ramadan est toujours là. Les musulmans sont toujours des vrais musulmans. Et ça correspondait à l'été. Ramadan était en été, dans des jours très très longs et très chauds. Le 19-6 juin 711 après Jésus, prière et salut sur lui. Fataha Tariq ibn Ziyad al-Andalus. Tariq, fils de Ziyad, a conquis l'Espagne, a conquis l'Andalousie. On était dans un mois de Ramadan, ba'da an hazama Rodri, après avoir vaincu le roi Rodriguez. Et après avoir conquis la montagne qu'on l'a appelée par la suite le mont Tariq, en français on dit Gibraltar. Et il a brûlé une fois, il était au début de l'Espagne, de l'autre rive de la Méditerranée, il a brûlé tous les bateaux. Il n'a laissé aucun bateau. وقال كلمته المشهورة حرق جميع أحرق جميع السفن وقال في رمضان كلمته المشهورة dans ce mois il a dit sa parole qui est devenue très célèbre البحر من ورائكم la mer se trouve derrière vous والعدو من أمامكم et l'ennemi se trouve devant vous soit la victoire soit tomber en martyr إما النصر وإما الشهادة ثم فتح قرطبة وفتح غرناطة وفتح طليطلة العاصمة السياسية et par la suite il a conquis Cordoue, Grenade et Tolède qui est devenue ou qui était la capitale politique. أعطي مثالا رابعا. Je donne un quatrième exemple. في يوم الجمعة 25 رمضان من سنة 479 هجرية dans le jour du vendredi 25 Ramadan, vers la fin du Ramadan, de l'an 479 de l'Hégire, presque 5 siècles après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la bénédiction du mois de Ramadan est toujours là. Yani 500 قرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا وبركة رمضان لا زالت موجودة عند المسلمين. انتصر المسلمون في موقعة الزلاقة. Les musulmans l'ont emporté dans la bataille qui s'appelait الزلاقة سهل قريب من البرتغال. C'était une plaine proche du Portugal sur la terre de l'Espagne بالأندلس en Andalousie بقيادة الأمير الصالح يوسف ابن تاشفين أمير المغرب في ذلك الوقت. Et c'était à la tête des musulmans se trouvait l'émir vertueux Joseph, fils de Tashafin, l'émir du royaume du Maroc à l'époque, ou antasara ala Alphonse, et il a eu sa victoire contre Alfonso, ou jayshihi 80,000 ifrinji, qui était évalué à 80 000 combattants. A'taikum mithal khamis wa akhir, je vous donne un cinquième et dernier exemple. Yawm al-Jumu'ah, le jour du vendredi, 15 رمضان 15 رمضان في سنة 658 هجرية en l'an 658 de l'Hégire الموافق لثلاثة تسعة 1260 في شهر الصيف ce qui coïncidait ou était conforme au 3 septembre en été des journées longues et chaudes le 3 septembre 1260 après Jésus prière et salut sur lui كانت موقعة عين جالوت هي أولى بطاية عين جالوت وانتصر فيها السلطان قطز المصري على المغول et c'était la victoire des musulmans et à leur tête il y avait le السلطان le sultan قطز l'égyptien contre les Mongols, qui ont fait beaucoup de dégâts à Bagdad, en Syrie et dans les terres musulmanes. Faramadan, Shahrul Qawwa, le mois de Ramadan est le mois de la force. Shahrul Shaja'a, le mois du courage. Shahrul Amal, le mois de l'œuvre, du travail. Shahrul Ibad, le mois de l'adoration. Amma an yati at-tilmid wa nahnu fi ayami ad-dukhul al-madrasi, on passe maintenant par la rentrée scolaire et le jeune musulman devant un prof peut-être qui n'est même pas musulman, يقول والله انا تعبان انا كسلان لاني صائم, qui dit à son prof qui n'est pas musulman, moi l'élève musulman je suis fatigué, je suis devenu paresseux à cause du mois de Ramadan. Ça c'est une insulte qu'on n'accepte pas envers l'islam et envers le mois de Ramadan. Regardez comment étaient nos ancêtres. انظروا كيف كان اجدادنا هذا سبق من ابناء الاسلام للاسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Le prophète dit, celui qui veille ou jeûne le jour, le mois de Ramadan avec foi et conviction de la récompense, ses péchés antérieurs seront effacés. Muttafaqun alayh, unanimement repenti. Mais maintenant, malheureusement, للأسف الشديد, Ramadan sara shahr al-nawm wal-raha. Le mois de Ramadan aujourd'hui est devenu, dans le monde musulman, un mois de sommeil et de repos par excellence. Wal-akl wal-mashroubat, les boissons, les repas. Yanamu fihi al-mar hatta salat al-dhuhr aw al-asr. Le musulman, il n'observe pas le jeûne, il observe le sommeil jusqu'au dhuhr. Ou bien il y a des musulmans paresseux qui restent jusqu'à l'asr, jusqu'à 5 heures, sont en train de dormir. Hatta la yuhissa bil jou' wal 'atash. Ainsi, il ne va pas sentir ni l'effet de la famine ou de la soif. وينتظر الإفطار. Et lorsqu'il se réveille, il va attendre la rupture du jeûne. في اللعب والضحك. Il va passer le temps dans le jeu et le rire. ويفطر على مائدة مملوءة بأنواع الطعام. Et il va rompre son jeûne devant ou par une table garnie, bien garnie de toutes les sortes de nourriture. لوراها الصحابة رضوان الله عليهم لبكوا علينا وعلى إسرافنا. Dans le cas où les compagnons observent notre table d'aujourd'hui, les tables musulmanes, la rupture du jeûne d'aujourd'hui, ils vont pleurer devant notre gaspillage. واثناء النهار كل الناس على اعصابهم غاضبين. Et pendant le jour, tous les gens sont énervés. يتقاتلون على اتفه سبب. Ils se combattent pour la moindre cause. لانهم صائم, parce qu'ils jeûnent. Attention, je jeûne. لانهم ممنوعين من التدخين, parce qu'ils ne peuvent pas fumer. وأول ما يفطر به الصائم سجارة تحرق رئته. Et la première chose avec laquelle le musulman va rompre son jeûne, une cigarette qui brûle ses poumons. أما ليالي رمضان, mais en ce qui concerne les nuits ramadaniques, فصارت ليالي لعب. Ces nuits sont devenues des nuits de jeu. وليالي قمار, des nuits des jeux du hasard. وليالي زنا, et des nuits d'adultère. نصوم بالنهار ونزني بالليل. On jeûne le jour et on fornique la nuit. وليالي غناء, et des nuits de chansons. وليالي رقص, des nuits de danse. وليالي أفلام, des nuits de films. وليالي مسرحيات وضحك, et des nuits de pièces théâtrales, de comédies et de rire. وليالي مخدرات, des nuits de drogue. قالوا الخمر حرام في رمضان نستعمل يا أخي المخدرات. Ils ont dit, comme l'alcool est interdit pendant le mois de Ramadan et les nuits du mois de Ramadan, on utilise la drogue. وكأن المخدرات ليست حرام. Et comme si les drogues n'étaient pas haram. لقد غيرنا رمضان. Nous avons transformé le mois de Ramadan. Nous avons modifié le mois de Ramadan. لقد ظلمنا رمضان. Nous sommes devenus injustes envers ce mois sacré, envers ce visiteur annuel sacré. بل ظلمنا أنفسنا. Plutôt on est injuste envers nous-mêmes. فالله ما أراد منا اللعب. Dieu n'a pas voulu de nous le jeu. Il n'a pas dit de jouer pendant ce mois. ولا الراحة. Dieu n'a pas voulu de nous le repos pendant ce mois. ولا الضحك. et non pas le rire. مرة استمع لإذاعة هنا. Une fois j'étais en train d'écouter une radio où هم يتدخلون ليحكوا يعني نكت مضحك لأننا في شهر رمضان وكل واحد يحاول أن يحكي نكتة أفضل من الآخر. Il y avait une émission de radio et les gens téléphonaient pour raconter leurs blagues pendant le mois de Ramadan, pendant les jours du mois de Ramadan. Et chacun essaie de donner une blague meilleure que l'autre. وفي كثير من النكت كان الضحك على الإسلام وعلى أئمة الإسلام وعلى المساجد. Et pendant plusieurs, dans la majorité des blagues, le rire était autour de l'imam dans la mosquée, autour des gens qui font la prière dans la mosquée. C'est ça le jeûne, version 2009. Allah ma arada min al-dahik. Dieu n'a pas voulu de nous le rire, wa al-tabdir, ni le gaspillage fi shahri Ramadan, dans le mois de Ramadan. Ben qala lana, Dieu nous a dit, ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, كتب عليكم الصيام. On vous a prescrit le jeûne. كما كتب على الذين من قبلكم. Exactement comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs. لماذا يا رب؟ Pourquoi notre Seigneur, tu nous as prescrit le jeûne؟ لعلكم تتقون. Afin que vous soyez pieux. Afin que vous deveniez plus pieux grâce à ce mois. ولم يقل لعلكم تغنون. Il n'a pas dit, je vous ai prescrit le jeûne comme je l'ai prescrit à vos prédécesseurs. Peut-être vous allez chanter. Ou peut-être vous allez danser. Ou peut-être vous allez jouer. Ou peut-être vous allez gaspiller. Ou peut-être vous allez rire. Ou peut-être vous allez vous droguer. Astaghfirullah. Je demande pardon à Dieu. Ma qala hada, Dieu n'a pas dit cela. Bal qala la'allakum tattaqun. Peut-être vous allez devenir pieux. Peut-être vous allez craindre Allah grâce à ce jeûne. La'allakum tazdaduna khawfan min Allah wa min muraqabati Allah. Peut-être votre crainte va s'améliorer grâce à votre jeûne. Al-hadaf min as-siyam. Le but du jeûne, huwa al-wusul ila darajat at-taqwa, c'est le but recherché par le jeûne, c'est d'atteindre le niveau, le degré de la piété. La'allakum tattaqun, peut-être serez-vous pieux. Wa man lam yasil ila at-taqwa, celui, mes frères et mes sœurs, parmi nous, qui n'atteint pas la piété après un mois de jeûne, alladhi minna ba'da sha'r min as-siyam, la yasil ila at-taqwa allati talab Allah. فمعنى ذلك أن صيامه غير صحيح. Ceci signifie tout simplement que son jeûne n'était pas correct. والتقوى هي الخوف من الله. La piété se résume par la crainte vis-à-vis de Dieu. التقوى هو إحساس بأن الله معك. La piété, c'est le fait que tu ressentes que Dieu est avec toi. أينما كنت. Là où tu te trouves, 24 ساعة على 24 ساعة الله معك. 24 sur 24, Dieu est avec toi. Sab'a ala sab'at ayyam, Allah ma'ak. 7 sur 7, Dieu est avec toi. Hada l'ihsas, alladhi yubaghid ilayka al-ma'asi. C'est ce sentiment qui va te faire détester les désobéissances, les péchés. Fa kayfa ta'si Allah? Comment tu désobéis à Dieu? Wallahu ma'ak, wallahu yarak. Et Dieu est avec toi, et Dieu est en train de te voir. Wa anta fi ma'siyatik. Et toi, tu es assis autour de ton péché. Ala tastahi min Allah? N'es-tu pas pudique à l'égard de Dieu? Man alladhi khalaqak? Qui t'a créé? Man alladhi razaqak? Qui te donne chaque jour ta subsistance? Man alladhi yahmik min kulli al-akhtar? Qui te protège contre tous les dangers qui t'entourent? Man alladhi a'taka as-sihha? Qui t'a donné la bonne santé? Man alladhi yumidduk bil hayat? Qui prolonge ta vie? Daqiqa ba'da daqiqa, thaniya thaniya, minute après minute, seconde après seconde. Man alladhi a'taka aqlan? Qui t'a donné une raison sinon tu serais un homme fou, ou illa kunta ahmatan. Ala tastahi min Allah? Est-ce que tu n'es pas pudique de Dieu qui est avec toi et qui t'a donné tout ce que tu as? Wa huwa ma'aka fi kulli makan. Et Dieu est avec toi dans tous les lieux avec son savoir. As-siyam as-sahih, يرفعك إلى مستوى التقوى يا أخي ويا أختي. Le vrai jeûne, il t'élève vers le niveau de la piété. Tu deviens pieux. لعلكم تتقون. Peut-être serez-vous pieux. فأنت لما تكون صائما. Lorsque mon frère ou ma soeur, tu observes le jeûne. بإمكانك الدخول إلى المطبخ. Tu peux, comme je l'ai dit plusieurs fois. ممكن أن تدخل للمطبخ. Il est possible pour toi pendant le jeûne d'entrer dans la cuisine. بعيدا عن أنظار العائلة. Très loin des regards de la famille, très loin de ta femme, tes enfants, et tu fermes derrière toi. Tu peux, mon frère, te nourrir. Essaye de faire ça aujourd'hui, après le vendredi. Essaye de faire cette expérience à partir d'aujourd'hui, juste après le vendredi. Va chez toi, mon frère ou ma soeur, ferme derrière toi la cuisine, prends un verre d'eau, du lait, ce que tu veux, prends ce que tu veux et mange comme tu veux. Personne ne te voit, toute la famille n'arrive pas à te voir. ولكنك لا تستطيع لما تحمل كأس الماء بيدك إلى فمك. Mais tu seras incapable. Je te lance ce défi. Wallahi, tu seras incapable. Dans le cas où tu es musulman ou croyant, lorsque tu vas porter le verre d'eau avec ta main vers ta bouche, لما يقترب الكأس من الفم سترتعد الكأس وستقول لك لا. Lorsque ta main se rapproche de ta bouche avec le verre, la main va trembler, va te dire non, mon frère. لأنك وإن كنت وحدك, parce que même si tu es seul, t'as fermé tout autour de toi, تحس بأن الله معك. Tu ressens avec ton cœur que Dieu est avec toi. ويوم بعد يوم, et jour après jour, لمدة شهر, pendant un mois, يزداد هذا الإحساس عندك, ce sentiment s'agrandit, s'améliore et devient fort, que Dieu est avec toi, là où tu es. بمعنى يزداد مقدار التقوى في قلبك. Ça veut dire la valeur de la piété, la grandeur de la piété augmente dans ton cœur. وكما لا تستطيع الإفطار في رمضان. Et comme tu ne peux pas rompre le jeûne pendant un jour du mois de Ramadan, لأن الله معك. Parce que Dieu est avec toi. فستتعلم شيئا فشيئا. Tu vas apprendre petit à petit. أن لا تقوم بالمعاصي. De ne plus commettre les péchés. لأن الله دائما معك في رمضان وفي خارج رمضان. Parce que Dieu est toujours avec toi. Pendant le mois sacré et en dehors du mois de sacré. كذلك الرجل الذي يعني سبحان الله هو كأس ماء في مطبخك لا من يراك. لا تستطيع أن تشربه وتقوم بالفاحشة وتقوم بالذنوب بعد مرات حتى أمام الناس ولا تخاف من الله. خفت من الله, خفت من الله في الطعام في الحلال ولا تخاف من الله في الحرام. Lorsque tu étais seul, tu n'as pas pu boire un verre d'eau parce que Dieu est là. Et lorsqu'il y avait l'interdit parfois devant les gens, tu le fais. Tu as peur de Dieu en ce qui concerne le halal, l'eau, le verre d'eau, et tu n'as pas peur de Dieu en ce qui concerne les interdits. رجل جاء إلى أحد الصالحين. Un homme est venu voir un vertueux. وقال له والقصة تعرفون أنا أذكر بها. إني كثير المعاصي. Il lui a dit au maître, au cheikh, je suis un grand pécheur. وأريد منك مساعدتي بنصيحة. Et j'aime que tu me donnes un conseil pour que je quitte, pour que j'abandonne mes péchés. فقال له الولي الصالح, l'homme vertueux lui dit, إذا أردت القيام بمعصية, dans le cas où tu veux commettre un péché, فقم بها في مكان حيث لا يراك الله. Commets ton péché dans un lieu où Dieu, où Allah ne te voit pas. فقال الرجل, هذا مستحيل. L'homme dit, c'est impossible. Je ne peux pas trouver un lieu où Allah n'arrive pas à me voir. فقال الولي الصالح, et l'homme vertueux lui dit, ô mon fils, فاستحي إذن من الله. Si Dieu te voit dans tous les lieux, sois pudique à leur égard. فالولي ذكر الرجل بتقوى الله. Donc cet homme vertueux a fait rappeler à l'homme pécheur la piété, la crainte de Dieu, comme quoi Dieu est toujours avec lui. وهذا هو الهدف من الصيام. Tel est le but du jeûne. يقول الله تعالى وتبارك. Dieu dit, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من بعدكم لعلكم تتقون. tattaqoun, ou vous qui avez cru, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à vos prédécesseurs, afin que vous soyez pieux. كذلك هناك حكاية صغيرة هي une petite histoire que je rappelle aussi. رجل شيخ عالم صالح un maître un شيخ un vertueux كان عنده تلاميذ il avait des élèves وكان يحب التلميذ الصغير et il aimait le plus jeune parmi ses élèves فقال له الكبار التلاميذ الكبار لماذا تحب هذا الطفل الصغير ونحن أكبر منه Pourquoi aimes-tu au notre maître ce jeune qui est plus jeune que nous Et nous, on est plus âgés que lui, on ne comprend pas. Papa, la langue tourne, on t'arrive. Voulez-vous savoir la raison Chacun de vous va saisir un oiseau, et il prend un couteau, Chacun de vous prend un oiseau, un couteau, et il cherche un lieu où personne ne le voit, il égorge rapidement l'oiseau et revient avec l'oiseau égorgé. Tout le monde est parti. Ils sont revenus. Et chacun porte l'oiseau égorgé. Chacun est joyeux. Il a fait l'ordre du maître. Tout le monde est farhan annahu qama bima amara ash-shaykh. ولم يأتي الطفل الصغير et le jeune n'est pas revenu. فقالوا الحمد لله هذا يعصي أوامر الشيخ. Ils ont dit الحمد لله. Lui, il désobéit aux ordres du maître. وبعد وقت طويل après après longtemps le jeune est revenu. رجع الطفل والطائر غير مدبور et l'oiseau non égorgé. فقال له الشيخ يا ابني لماذا لم تفعل ما أمرتك به Le maître lui dit, « Oh mon cher fils, pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé ?» Oh maître, tu m'as demandé d'égorger l'oiseau dans un lieu où personne ne me voit. J'ai cherché ce lieu pendant longtemps et je ne l'ai pas trouvé. Là où j'étais, je trouvais que Dieu est avec moi. هذا الهدف من الصيام tel est le but du jeûne le but du jeûne c'est pas souffrir de la soif souffrir de la famine et tu oublies Dieu سبحانه وتعالى الهدف من الصيام ليس أن تجوع ليس أن تعطش ولكن هو أن تحس أينما كنت أن الله تعالى وتبارك معك يقول الله تعالى وتبارك في الآية التابعة Dieu dit dans le verset suivant أياما معدودات un nombre compté de jours كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شحال عام 40 كما هادو لا أياما معدودات un nombre compté de jours on vous a prescrit le jeûne combien une année comme David prière et sagerie 40 jours comme Moïse ou Jésus non un certain nombre compté de jours 29 ou bien 30 maximum. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ Celui d'entre vous qui est malade ou en voyage, un nombre équivalent d'autres jours. فَالصِّيَامُ الْمَطْلُوبُ وَلِأَيَّامٍ مَعْدُودَةٍ Donc le jeûne demandé ou obligatoire, c'est pour un certain nombre limité et bien compté de jours. إِمَّا 29 وإما 30 soit 29 soit 30 من شهر رمضان du mois sacré de Ramadan أيام سبحان الله ربما لاحظتم هذا الشيء أيام تمر بسرعة des jours qui passent vite comme si tu prends un TGV des jours vous rendez compte on est le 14e jour وصلنا ل 14 وصلنا لنصف الشهر بالأمس كنا نقول متى سيصومون Hier, on disait quand est-ce qu'il y aura le jeûne, vendredi ou bien samedi. Maintenant, c'est la moitié du mois de Ramadan qui est passé. Ayyam Mubarak, des jours bénis qui passent vite. Comme a dit le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, awwaluhu rahma. Son début est une clémence, est une miséricorde. Marrat ayyam rahma. Les jours de la clémence sont passés. Nana. هل رحمنا الله أم لا On ne sait pas, est-ce qu'on a été touché pendant ces nuits, pendant ces jours, de la clémence, de la miséricorde de Dieu ou pas? Qui sait? Chacun sera touché selon sa piété, selon la piété qu'il a touchée. Et son milieu, maintenant, est une absolution. Et sa fin est une délivrance de l'enfer. Et là, on constate, là apparaît la grande miséricorde de Dieu envers ses serviteurs, les croyants. Dieu n'a pas prescrit pour eux un jeûne d'une année. Mais un seul mois. Et il leur donne le salaire de 10 mois pour un seul. ثم تتجلى رحمة الله لما يتكلم عن المريض وعن المسافر. Et combien on est heureux lorsqu'on voit la clémence manifeste de Dieu, lorsque dans ces versets coraniques, Dieu parle du malade, parle du voyageur. فَمَنْ كَانَ مَرَضُهُ أَوْ سَفَرُهُ صَعْبًا. Celui qui est touché par une maladie un peu grave ou par un voyage difficile, أَعْطَاهُ اللَّهُ رُخْصَةَ الْإِفْطَارِ. Dieu lui a donné l'autorisation de ne pas faire le jeûne. Regardez la clémence de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il lui était possible de dire, tant pis, tu es malade, tu es voyageur, tu fais le mois de Ramadan. Mais Dieu, subhanahu wa ta'ala, n'est pas un dictateur. C'est un clément, c'est un miséricordieux. Waliyarot assam al-ayam al-lati aftare, qu'il récupère les jours manqués par la suite. Matachar, quand il veut. Tahayal ou laukala nan Allah. Man aftar. Quel mumkin hada? C'était possible. Man aftar. Faliyarot al-ayam fi sif. Man kana ala safar au marad, yuftar. Walakin. C'était possible pour Dieu de dire, celui qui rompt le jeûne, qui ne fait pas le jeûne parce qu'il est malade, parce qu'il est en voyage, qu'il récupère, mais dans la période d'été. Dieu n'a pas dit ça. Il a dit, tu récupères mon serviteur quand tu veux. رد الأيام متى شئت أنت وليس متى شئت أنا الله. ربما أفطر في فصل الصيف. Peut-être il va rompre les jours pendant le mois d'été, les mois d'été. Al-Nahar Tawil. Le jour est très long. Il lui est possible de récupérer les jours manqués dans l'été, mais en hiver. لما يكون النهار قصيرا. Lorsque le jour devient court, ici en France, ici en France, 16h45 à peu près, c'est la rupture du jeûne en hiver. L'imad, pourquoi? لِأَنَّ اللَّهَ لَا يُرِيدُ الْمَشَقَّ لَنَا. لا تظن أن الله لما فرض الصيام أراد لنا المشقة. المشقة ليست مقصودة. La raison c'est que, la réponse est que Dieu ne veut pas pour nous la difficulté. Dieu n'a pas demandé à nous de faire le jeûne pour nous mettre en difficulté. Non. قال تعالى. Dieu dit dans un verset, يريد الله, الله يحبه. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Dieu ne vous veut pas la gêne, mais il vous veut l'aisance et la facilité. Ça veut dire Dieu vous aime. Pourquoi tout cela, notre Seigneur? Parce que Dieu, par excellence, il est le miséricordieux, le très miséricordieux. Donc le jeûne ne concerne que celui qui est capable. C'est-à-dire l'enfant, non, il n'est pas concerné. As-sahih, il concerne celui qui a une bonne santé. Ghayr al-marid, le malade, non, on l'exclut. Al-muqim, l'insan ghayr musaf, al-muqim fi baladi, hada wajib alayhi as-siyam. Il concerne le résident. Celui qui est voyageur, non, il n'est pas concerné. Le jeûne qui autorise de ne pas faire le jeûne, c'est une distance approximative de 89 km, soit qu'elle soit à pied, en voiture ou en avion. هذه 89 km, قال لك ودي تكون غادي على رجليك ولا في السياره ولا على الطائره ممكن لك ان تفطر عند الجمهور. Chez la majorité des juristes. وَأَمَّا قَضَى أَيَّامِ الْإِفْطَارِ لِلْمَرَضِ أَوْ لِلْسَفَرِ le fait de récupérer les jours manqués à cause de la maladie ou à cause du voyage, la récupération doit être avant l'année, avant le Ramadan prochain. أي قبل وصول رمضان القادم قال النبي صلى الله عليه وسلم للبروفيت قيام سجويدي عن رجل فرط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر للبروفيت قيام سجويدي a dit à propos d'un homme qui a négligé le jeûne manqué dans ce Ramadan jusqu'à l'arrivée du Ramadan prochain قال يصوم هذا مع الناس le prophète dit il jeûne celui-ci c'est-à-dire ce Ramadan avec les gens ويصوم الذي فرط فيه et par la suite il récupère celui qui l'a négligé, et il nourrit pour chaque jour un pauvre, chaque jour manqué. Maintenant, faites attention, surtout les jeunes. Celui qui n'observe pas le jeûne volontairement, avec préméditation, exprès, il dit demain je jeûne pas, il ne jeûne pas pendant ce mois. Il doit faire ce qu'on appelle l'expiation. Chez les Malikites et les Hanafites, je vais dire ce que les Malikites et les Hanafites ont proposé. Il doit pour chaque jour affranchir une tête esclave musulmane. On ne peut plus faire ça. فإن عجز عن ذلك ما عندوش فلوس صام شهرين متتابعين لكل يوم s'il est incapable d'affranchir une tête musulmane il doit chez les malikites jeûner deux mois de suite pour chaque jour ça veut dire celui qui ne fait pas les 30 jours 30 fois 60 je vous laisse calculer le nombre du jour ou le nombre de mois qu'il doit faire, mais de suite, sans jamais rompre. S'il rompt un jour, il doit commencer dès le début. Dans le cas où il ne peut pas, il doit nourrir 60 pauvres, pour chaque jour. 60 pauvres. Faites 60 fois 30. Combien de pauvres hein? Les habitants d'une cité. Et celui qui n'observe pas le jeûne dans un mois de Ramadan, sans excuse, sans voyage, sans être malade, celui-ci commet un grand péché, un péché énorme, comme les cieux et la terre, pour chaque jour. Parce que le prophète dit, celui qui n'observe pas le jeûne dans un mois sacré de Ramadan, sans excuse, sans autorisation, ni maladie, il ne peut pas le récupérer ce jour, même s'il jeûne à vie. C'est-à-dire, la l'aniyakoud al يعني هو سيرد 60 يوم ولكن لن يأخذ الأجر مثل الذين صاموا ذلك اليوم ولو صام طول حياته لا يأخذ الأجر مثله il ne peut pas avoir le même salaire que ceux qui ont jeûné même s'il jeûne à vie وإن صام رواه الترمذي rapporté par l'imam الترمذي بمعنى أن الذي يفطر يوما في رمضان لن يصل أبدا إلى أجر من صام في رمضان. C'est-à-dire celui qui ne fait pas le mois de Ramadan dans un seul jour exprès n'atteindra jamais le salaire qu'aura celui qui a jeûné ce jour du mois de Ramadan. ولو صام طول حياته mais même s'il aura jeûné pendant toute sa vie. ولكن مع الأسف malheureusement mes frères et mes sœurs. بسم التقدم والحضارة au nom du modernisme et de la civilisation. بعض الناس من المسلمين يفطرون في رمضان. À peu près 30 jusqu'à 40% ici en France, parmi ceux qui doivent faire le mois de Ramadan, ils ne le font pas. لا يصومون من غير خوف من الله تعالى وتبارك sans aucune crainte de Dieu سبحانه وتعالى. وفي الأسبوع القادم إن بقينا بالحياة نتم الآيات أو نتابع الآيات الرمضانية. Si on reste en vie, inshallah, la semaine prochaine, on va continuer avec les versets ramadaniques. نسأل الله تعالى وتبارك أن ينفعنا بما سمعنا. نسأل الله تعالى وتبارك أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا. نسأل الله تعالى وتبارك أن يملأ في هذا الشهر قلوبنا بالتقوى وبمحبته وبخوفه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.